Ça s'est passé en mai 1986. On s'approchait de l'été, exactement j'avais 7 piges. À mon âge, je pensais qu'à jouer au Wet Blended B. Délivrance pour moi était mon seul contact avec les filles. C'est à la sortie de l'école que ma grand-mère m'a appris que j'allais partir du pays, que là où j'irai, j'irai moins de soucis. En plus de ça, ton père et ta mère sont pas ici. Le jour j'y arrive, direction l'aéroport, grand-mère me confère une personne et m'embrasse bien fort. L'avion décolle, 12 heures de vol, c'est pas dans mes habitudes. Pour un jeune comme moi, obligé que je gère toutes les 20 minutes. Après l'escale, je me suis endormi en même pas 5 minutes. À une heure près de l'atterrissage, je vois ce brouillard. Je vous avoue, sur le coup, ça m'a fait bizarre. On atterrit, la personne qui m'est confiée me lâche pas des yeux. Je me suis dit, cet endroit est peut-être dangereux. Impatient de voir ma mère, impatient de voir mon père. Qui sait, depuis le temps, j'ai un petit frère, je vais m'y faire. À la sortie, celui qui me prend n'est pas celui que je voyais. Sur le coup, ça m'a intrigué. Un pressentiment me dit, y'a quelque chose qui s'est passé. Mauvaise nouvelle pour moi qui sont pas prêts de m'annoncer. Au fond de moi, je pleure des rivières. Perdre sa mère et son père, tenir le coup, je t'assure, c'est pas facile. Et ouais, j'en souffre de l'intérieur. C'est comme une hémorragie interne. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Une mort tragique. 10 ans passés, toujours sous le choc. J'essaie de m'évader sous alcool et shit. Impossible de trouver le sommeil. Trop parano, quel flic me soulève. Admis qu'à l'école du crime, je me sens à l'abri nulle part. Je crois que je vais mourir d'une balle ou prendre perpétuité, peu importe. J'ai perdu ceux qui m'ont mis au monde. Dur d'assumer pour un monde. Traumatisé je suis et j'attends impatient que la mort frappe à ma porte. Choses. J'aimerais en tirer la force.